te parler de cocaïne. Je pourrais balancer l'histoire d'un mec éméché. Je suis pas là. Non, je suis pas là pour ça. Et pour la suite, on se la fait musicale. Avant que tu satures mon délire vocal. Écriture.